Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Alors aujourd'hui, nous allons faire le top cruise de la meilleure créature. Ah. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. C'est le top cruise. Et donc, Paulin, c'est quoi pour toi la meilleure créature? Dans quel sens? Je sais pas comment, parce qu'on s'est donné tous ces tops et ces flops. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais bon. Ça inclut les animaux, les créatures... tout ce qui n'est pas humain, mais qui est vivant quand même, tu vois, un peu. Ouais. Voilà. Mais qui n'est pas une plante non plus, parce que sinon ça commence à être compliqué. Voilà. Doté d'une âme, Enfin, tu vois, un cœur, des poumons, j'en sais rien. Je sais même pas, en fait, parce que du coup, les créatures... Du coup, c'était pas si simple, parce que je regardais, je me dis... Tom Cruise n'est pas trop un acteur à animal ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, pas vraiment. Non. Donc, presque c'est un top, mais en même temps, la liste complète de toutes les créatures qu'a croisé Tom Cruise. Alors, j'aurais pu, si j'étais un peu de mauvaise foi, j'aurais pu dire la petite fille dans La Guerre des Mondes. Mais ça reste un être humain. Ah, c'est méchant. Mais un peu, des fois, c'est un peu bizarre quand t'as crié, c'est un peu un animal, quoi. C'est vrai, Mais alors que super performance en plus. Ouais. Pareil, toujours dans les mentions, il y avait les grenouilles dans Magnolia. Mais il n'est pas en contact avec, donc j'ai pas trop parlé. Ah si, mais c'est pas mal, c'est vrai, t'as raison. Enfin, tu vois, il est... Voilà. Mention. Dernière mention... Enfin, non, je vais pas faire une mention, je vais partir dans le top 3. Donc, en numéro 3, dans les créatures qui accompagnent Tom Cruise à l'écran, je me suis noté le Gump dans Legend. Ce petit être farfadé, chelou. Il était génial. Et qui est trop passif-agressif, hyper bizarre. Vraiment. Parce qu'il y a les trois gnomes aussi. Lui, il est trop, trop chelou. Et il joue super bien. Tu sais pas s'il est gentil, s'il est méchant. Et c'est une créature qui est très humanoïde. Enfin, c'est quasiment un être humain, tu vois. Mais bon, il a des oreilles pointues, il est un peu chelou. Ah, c'est quand même une créature. C'est une créature. D'accord. Et je crois qu'il a même des sabots. Ouais, très bien. Et du coup, tant qu'à faire mention pour les licornes avec la corne en mousse qui se balade, quoi. Parce que celles-là, elles sont c'est très, très top. Classe. Numéro 2, qui peut-être aurait pu être numéro 1, mais bon, c'est Le singe de Stacy Jacks. Parce que là, vraiment, c'est le film où Tom Cruise joue avec un animal. Hein. Ça doit être le seul où c'est son partenaire qu'il a sur quasiment toutes les scènes. Ah ouais. Cette espèce de singe super méchant. Horrible. Voilà, horrible, c'est un singe de rockstar, quoi. Donc, voilà. Gâté. Très vilain, qui doit jeter ses crottes sur les gens. Enfin, bref. Ok. Ah, numéro 1. C'est parce que souvent, tu sais, on se dit, t'es team chien, t'es team chat, etc. Et a priori, au vu des films, je pense que Tom Cruise est team chien. Parce que je retiens deux chiens dans sa filmographie. Il y en a un qu'on voit très furtivement, c'est dans Night and Day, quand il faut des cascades dans les voitures, tout d'un coup, il y a un énorme chien poilu et Tom Cruise qui apparaît juste derrière. Donc, petit featuring avec un chien. Mais surtout, et je sais que tu l'aimes énormément, le chien de The Firm. C'est le gros chien avec plein de poils partout qui est trop mignon, qui est trop gentil. Et c'était le premier auquel je pensais. Il est magnifique. Il y avait ce chien. Et après, je sais pas, les autres créatures, je n'ai pas trouvé trop d'autres. Interesting. Voilà. Pas mal. Le chien de la firme pour moi, c'est top 1 des meilleures créatures avec qui il a joué. Voilà. Mais c'est vrai, il est trop bien, ce chien. C'est pas mal, quoi. Après, j'ai pensé aussi au coyote dans Collateral, mais parce qu'il y a un lien, tout ça. Ah, tu vois. Oui. Mais c'était pas par rapport au chien qui est tellement la choupitude. Oui, voilà. Oui. Ok, très bien. Merci, Paulin. Ah, ben, avec plaisir. À demain. À demain.